Dante comme sous l'axe. En esprit. J'fume que de la moulax. En esprit. Baiser sur tes max. En esprit. Le rétro gauche nique ma Rolex. En esprit. J'suis tellement une moula qu'elle veut que je la casse. 5 pistes que j'nique le game, putain le temps passe. Allume un zoula, je récupère de la moula, j'ai même pas des saoulés. Eux l'enfoiré, les méchants, tu me reconnais, les deux bois, les showcases, les tempêtes de la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de collage, j'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au V, c'est pas du rap de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier encaissé, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès. Guitarisé comme un mec d'ACDC. Donnez-moi de la moula, gars. Donnez.